Dans la musique, mieux que de faire dans la cesse. J'suis avec des chawis, j'suis avec des cultus. Y'a ceux qui roulent en gamme, c'est ceux qui prennent le bus. Je cherche la petite bête pour sortir ce soir. Faut que j'm'embrouille avec ma meuf, faut que j'aime dans une histoire. Y'a rien qui m'attend, ça fait plus d'une heure. Raconte pas tes problèmes de cœur, j'suis pas d'humeur. Ok, petit cadeau missile. La solution n'est qu'un, il paraît que c'est la crise. Il paraît que tiens, redem, mais me fais pas la bise. On traîne en lambeau, puis souvent en trio. On fait des tchernines, pas des bimbo. Des de bico, avec un gros nazo. Tu fais pas des cousines, ton sac, ton c'est un faux. Ok, allô docteur. Faites attention, profitez bien, c'est bientôt le ramadan.